nous risquons d'attraper les maladies. Vous sentez déjà ces odeurs, c'est horrible. Moi, j'estime que les industries qui envoient des saletés dans le lac devraient se creuser des puits et chercher des moyens de vidange pour que ça n'aille pas dans le lac. C'est sur cette nouvelle environnementale que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes à la radio Isanganiro.